Dialogue de l'unité 3. La protection contre les dangers. Semaine 1 et 2. Des enfants qui jouent au ballon dans la rue. Un policier arrive. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants ? Nous jouons un match de football. Mais c'est dangereux pour vous. Pourquoi, monsieur ? Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. On va terminer le match dans 20 minutes. S'il vous plaît, laissez-nous finir le match. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Mais c'est devant chez nous. Ça suffit. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir.